Difunto. Salvo. ¿Qué te pregunta? Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui parce que, en fait, c'est une émission qui va durer 2 heures exceptionnellement pour aujourd'hui parce que Sébastien Dulude, qui anime généralement l'émission Étal Mixte à 18h, ne peut pas être là cette semaine, donc vous allez le retrouver la semaine prochaine pour une autre émission d'Étal Mixte. Mais bon, ça me permet, moi comme ça, de m'étendre sur 2 heures et en même temps de pouvoir sortir un peu du créneau de l'émission ici parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'émission La Dernière Porte à Gauche, bon, c'est une émission d'une heure entièrement francophone, entièrement voué à faire la culture et à faire découvrir la nouvelle scène émergente francophone. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la première heure et ensuite pour la deuxième heure, ben, ça va me permettre de sortir un peu de ce créneau-là et puis d'aller du côté de l'anglophone et puis vous passer quelques groupes donc, que j'aime beaucoup, mais qui s'expriment pas en français. Donc, c'est le programme pour les 2 prochaines heures. On va commencer ça tout de suite avec une pièce du nouvel album de Navet Confit, LP3, Papier Vampire. On va écouter la pièce Plastique à la cerise. Vous êtes à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est Fou. 89.1 FM. Sortira par la fenêtre et on se déshabillera tranquillement. Les secrets prendront des vacances au soleil avec tes allergies. Et on s'amusera à dire que le chat réfléchit. passer seul en pensant à toi. J'étais fatigué d'être seul et que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à poids. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et qu'à genoux les mains pleines d'un bouquet de lilas, tu me dises que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps de jeune fille. Trois accords, vous n'aurez pas probablement reconnu la voix des trois accords. C'est la pièce Dans mon corps, c'est la pièce titre de leur nouvel album. Et c'est ça, c'est un nouvel album qui est disponible depuis aujourd'hui. C'est quand même assez fidèle au son des trois accords. Rien qui révolutionne le son. Toujours des paroles aussi sages que celles des trois accords. Non, c'est toujours aussi adolescent, mais c'est comme ça qu'on les aime. Et moi, j'avais l'impression peut-être que la musique était un petit peu plus de relief dans cet album-là. Mais bon, c'est vraiment, je suis vraiment au stade de l'écoute préliminaire encore pour cet album-là. Et puis non plus, je ne sais pas si je vais m'attarder tant que ça à cet album-là. J'aime bien les trois accords, mais bon, j'en fais pas non plus une fixation. Je suis pas sûr si je vais vraiment me procurer tout l'album là, puis l'écouter en boucle, parce que ça reste quand même de la musique très, très bien, très accrocheuse, des refrains très, très accrocheurs, mais je sais pas si ça va me toucher assez, la musique des trois accords, pour que j'ose m'y aventurer encore plus. Maintenant, on va continuer en musique avec un artiste qui va être en spectacle à Trois-Rivières mercredi prochain, le 22 octobre. Alexandre Desilets, d'ailleurs, vous pouvez entendre une entrevue que Mathieu Plante a réalisée ici avec Alexandre Desilets. C'est disponible sur le www.cfou.ca. On va écouter la pièce de son album « Escalade et l'ivresse ». On écoute la pièce « Trafic aérien » d'Alexandre Desilets sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Planer à l'une. son, puis entre deux ailes, encore pire qu'entre deux eaux, enfermé au ciel et fait de fer et mon oiseau, quand j'ai crié. Van der Glo et la pièce Québec-Canada. Juste avant ça, on avait entendu les Gigolos avec la pièce À l'aide. C'est extrait de leur EP, leur premier EP qui faisait un peu office de démo, qui s'appelait Fantasmagorique. Et puis les gars des Gigolos préparent un deuxième EP qui va sortir bientôt. Ils sont en studio, en fait, et puis ils ont l'air d'avoir beaucoup d'entrain pour sortir ça vraiment bientôt. Donc, ça devrait pas trop tarder. Puis en attendant, ils nous proposent... ils ont annoncé, en fait, en attendant, un autre petit projet par rapport à ce EP-là qui s'appelle Livraison Express. Je pense que j'en ai déjà glissé un mot ici parce qu'il y avait déjà un billet sur leur blog qui avait été posté à ce sujet-là, mais sans trop de détails. Là, les détails ont été ajoutés. En fait, c'est Livraison Express, c'est simplement un genre de petits documents vidéo qui va accompagner ce EP-là. C'est 7 ou 8 clips donc de version acoustique des pièces du EP qui ont tourné à Dolbeau-Mistassini dans leur coin au lac Saint-Jean. Et puis, c'est ça, de tourner dans différents lieux. Comme ça a l'air d'un genre de road trip où ils ont interprété leurs pièces de façon acoustique. Ils ont filmé ça. Puis, c'est ça, donc ça va être livré une par une, je crois, ou... C'est ça, parce qu'ils disent la première livraison prévue bientôt. Donc, je pense que ça va être livré une à une. Je ne sais pas trop sur quelle plateforme au juste, mais bon, surveillez ça sur leur MySpace, qui est tout simplement myspace.com/lesgigolosrock. Moi, c'est un groupe que j'aime bien, ça, les Gigolos, qui sont pas très connus, qui n'ont pas fait encore beaucoup de chemin, mais j'aime bien ce groupe. Maintenant, on va aller en pause. Mais restez là parce que de l'autre côté, encore beaucoup de dernières portes à gauche pour vous. Il va y avoir, entre autres, du Xavier Caféine. Et du Bernard Adamus, restez là. C'est Bouddha. Ton char. 89-1-1. Votre niveau d'encre est bas. Votre niveau d'encre est bas. Thank you.

Par les fantômes de l'empire d'avant la tombe, époque qui déjà tombe dans l'oubli. On s'écoute encore la cassette qu'on s'était faite pour la route, sous la voûte des fumées. Danse, danse, rose aimée, viens chasser le gris du ciel de Pennsylvanie. À Philadelphie, sous la neige fondante, j'entends la ville qui chante une complainte nord-américaine dont ma peine, et je m'endors dans le berceau de la bombe et du rock. On fuck le monde et vive le roi. Ce que tu crois, Midas, être de l'or que tu entasses, n'est que de la mort en lingots dans le ciel de Pennsylvanie. Le son des cloches n'est qu'un écho. Philippe B avec la pièce à Philadelphie. Et puis dans le dernier bloc, vous aurez peut-être remarqué, si vous avez été attentif au contenu des pièces, il y avait juste avant Philippe, il y avait Funambule avec la pièce Ton hiver, et aussi Bernard Adamus avec la question à 100$. Si vous avez été un peu attentif au contenu des pièces, vous aurez peut-être remarqué qu'il y avait une thématique autour de l'hiver ou du moins de la neige. Et c'était juste pour me rappeler ma belle fin de semaine nordique qui vient de se finir, comme à toutes les actions de grâce, tous les week-ends de l'action de grâce depuis quelques années. Avec les amis, on s'en va dans le nord. Puis cette année, on a eu presque une tempête de neige, je dirais. Au moins, tout près en fait de 10 cm de neige en fin de semaine. Donc ça rappelle que l'hiver s'en vient déjà. Puis c'est sûr que c'est peut-être pas pour demain ici quand même. On était vraiment loin. Mais bref, ouais, c'est toujours le fun quand la première neige, quand l'automne devient semi-automne, semi-hiver. C'est une période, des fois, c'est la plus dure aussi, côté moral. Il commence à faire noir, on va changer l'heure bientôt, mais bon. Faut pas oublier que c'est l'hiver qui s'en vient, ça va être une super belle saison. Bref, fini la parenthèse météo IMO. On continue en musique avec Vanesse Pariétaire et la pièce Un Ton Blême. Vanesse Pariétaire qui ont annoncé récemment, je pense que j'en ai parlé à l'Assemblage Rocky la semaine dernière, mais bon, a confirmé un spectacle au pub O'Callaghan à Sorel. C'est le 14 novembre prochain. C'est quand même dans un petit bout. C'est le spectacle de We Are Wolves avec Parler qui les suivent pas mal partout. D'ailleurs, je crois que c'est confirmé aussi pour Parler ici à Trois-Rivières avec We Are Wolves. Ça, c'est le 5 novembre. La semaine d'après, We Are Wolves et Parler plus Vanesse Pariétaire vont être au pub O'Callaghan à Sorel. Ça va être tout un spectacle et on va écouter tout de suite Vanesse Pariétaire avec la pièce Un Ton Blême. Vous êtes toujours à la dernière porte à gauche sur les zones de C'est Fou 89.1 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada.

C'était le groupe du Hautang avec la pièce Petit à Petit. Et c'est ce qui va terminer la portion régulière de l'émission parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, l'émission va durer 2 heures. Et dans la deuxième heure, en fait, qui est le remplacement de l'émission Étale Mix, parce que Sébastien Duluth ne pouvait pas être là cette semaine, il va être de retour la semaine prochaine. Donc, dans cette heure où la dernière porte à gauche va s'étirer jusqu'à 17h, jusqu'à 19h, en fait, je vous présenterai quelques groupes anglophones que j'aime bien. Donc, ce sera une petite entorse au règlement pour la dernière porte à gauche. Mais bon, c'est un spécial aujourd'hui. Mais pour tout de suite, on s'en va en pause. Restez là. Steps on the Xavier Caffeine avec la pièce Les bons et les méchants qu'on vient d'entendre sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Pour ceux qui sont habitués, qui sont des habitués de la programmation, vous demandez peut-être pourquoi c'est pas la voix de Sébastien Duluth que vous entendez présentement pour l'émission Étalmique. C'est bien, c'est une exception cette semaine. Sébastien va être de retour la semaine prochaine. Il était absent aujourd'hui. Donc, c'est la dernière porte à gauche qui se poursuit jusqu'à 19h en remplacement de Étal Mixte. Et justement, ça me permet de pouvoir pouvoir varier un peu ma programmation et aller du côté anglophone. Et ce qu'on va faire tout de suite avec la pièce Cold Hands, Chapped Lips du groupe Hot Panda. On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche. Kids in Sherwood Park. Wash my back, hypnotize. Two Weeks, The Grizzly Bear. Et juste avant ça, c'était Indena du groupe The Hidden Camera. On va continuer tout de suite en musique. Un petit peu plus tard dans l'émission, il va y avoir une nouvelle pièce, du nouvel album en fait, des Amis au Pakistan qui sortait aujourd'hui. Mais tout de suite, on va écouter la pièce titre du nouvel album de Island Vapors. Vous êtes toujours à la dernière porte à gauche en remplacement de Étal Mixte, exceptionnellement, oui, pour cette semaine. The vapors might make you wet. Well, I hope I satiate. Whom I entertain. Hoping you get dancing feet. Hoping that you like the beat. And I hope you don't complain. the feet on the balancing act, gag bound and craft in a tail, trailing wrapped in a gasp, cruelly with the base of the scales, and fucking fiddles with the feet on the balancing act. She was gag bound and craft in a tail, trailing wrapped in a gasp. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake pit on the wall. Pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake pit on the wall. Arctic Monkeys avec la pièce Pretty Visitors, c'est ce qu'on vient juste d'entendre. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans la dernière porte à gauche en remplacement de l'émission Étal Mix, la programmation régulière avec Sébastien Duluth va être de retour mardi prochain. On va continuer avec l'écoute de nouvelles pièces, en fait, d'un extrait du nouvel album des Amis au Pakistan. L'album s'appelle Cosmetic Cosmic. C'est un album qui était quand même assez attendu parce que leur premier album était sorti d'un peu nulle part. C'est un peu un genre qu'ils ont inventé et qui a connu quand même un grand succès, le premier album des Amis au Pakistan. Mais en fait, un grand succès, on s'entend, c'est relatif, là, un grand succès dans le milieu des radios communautaires et universitaires parce que ça reste un son qui est pas tant accessible, du moins. Puis cet album-là, je l'ai vraiment, vraiment survolé, là. Je ne l'ai pas écouté beaucoup, donc c'est assez dur pour moi pour l'instant de faire une opinion sur cet album-là. Je n'ai pas du tout entendu de critique non plus de l'album, mais j'ai l'impression du moins que c'est un album qui est quand même plus accessible, peut-être pas vraiment beaucoup plus accessible parce que les Amis au Pakistan sont quand même ce qu'ils sont, mais en tout cas je vous fais entendre une pièce, ça s'appelle Les Matins, et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus mélodique que ce qu'on était habitué d'entendre des Amis au Pakistan, quoique quand même il y avait quand même quelques pièces avec de très bonnes mélodies sur leur premier album. Mais bon, je vous fais entendre la pièce Le Matin des Amis au Pakistan. Ça sera leur nouvel album Cosmetic Cosmic. Vous êtes toujours à la dernière porte à gauche en remplacement de Étal Mixte. Le matin, quelques-unes images d'hier me rappellent. Dans cette journée, je serai complètement. De toute la journée, l'avant tout de deux scènes, une courte durée, une prémonition de ce qui va se passer. Je suis bien le matin. Le matin, trop molle pour quitter le chalet. Je t'aime. C'était Orange Orange avec la pièce Montréal à moi. Et juste avant ça, on avait entendu un extrait du nouvel album des Amis au Pakistan, Cosmétique Cosmique. La pièce s'appelle Le Matin. Et c'est sûr que vous allez en réentendre assurément en masse sur les ondes de C'est Fou, des Amis au Pakistan, parce que je sais qu'entre autres, les gars de l'émission du midi, le Dîner de con, aiment beaucoup le groupe. Donc c'est sûr que c'est un des endroits où vous allez en réentendre les Amis au Pakistan. On va continuer avec un petit bloc un petit peu folk rock. Il va y avoir là-dedans du Land of Talk. On va commencer tout de suite avec The Ballad of the Rural Alberta Advantage du groupe The Rural Alberta Advantage. Vous êtes toujours à la dernière porte à gauche qui se poursuit jusqu'à 19h pour remplacer l'émission Étal Mixte. So wrong to go on winter long, 'cause I feel so

and I would walk on fire. Sapi Isaac et la pièce Butterfly, ça c'est sur le palmarès anglophone de cette semaine. Et l'émission est déjà terminée, donc pour ceux qui attendaient ou qui étaient là pour Sébastien Dulude, l'émission est allumée, c'est bien, va être de retour la semaine prochaine, mardi à 18h. Pour ma part, c'est à 17h mardi prochain pour une autre émission de La Dernière Porte à Gauche. Je vais retourner dans mon créneau de musique entièrement francophone. Sinon, ben, je vous retrouve aussi tous les jours du lundi au jeudi de 15 à 17h pour l'émission Assemblage requis en compagnie de Mathieu Plante. Et sinon, ben, surveillez la programmation complète sur le cfou.ca. On va se laisser en musique avec une autre pièce qui est sur le palmarès anglophone. C'est le groupe de Québec Oromocto Diamond et la pièce The Last Diamond in the Cave. On se laisse aussi avec l'émission Rock Révélé, ça dans quelques minutes, donc à 19h, Rock Révélé, en compagnie de Serge Nadeau. Donc nous, on écoute The Last Diamond in the Cave de Oromocto Diamond. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.